Anton Malisoff de Gréville. Enregistré par Christiane Jehan. 1. Anton Petrovitch Malisoff avait 40 ans, mais il n'en paraissait guère plus de 35. Ce n'est pas qu'il eût la tournure jeune, cependant. Son visage sérieux et correct, ses tempes un peu dégarnies, sa façon sévère de porter le costume civil n'était pas d'un jeune homme. Bien qu'il eût demandé un congé illimité, au grand regret de son ambassadeur, dont il faisait toute la besogne, ce n'était pas non plus une fantaisie de jeune homme qui lui avait fait quitter le beau climat du Midi pour son domaine de Russie. Il était fatigué et sentait un besoin irrésistible de se reposer. Se reposer de quoi ? N'est-il pas convenu que les secrétaires d'ambassade n'ont jamais eu rien à faire ? Cependant, la fatigue de Malisoff était réelle. Si réel qu'un savant docteur étranger lui avait conseillé l'air natal. Malisoff était arrivé la veille au soir dans son beau domaine de Malisova, et sitôt descendu de voiture, il s'était couché. Le soleil du lendemain le réveilla de bonne heure à travers les stores du calicot jauni. Par une des originalités de son caractère, il n'avait voulu faire préparer pour son arrivée rien de plus confortable que le vieux mobilier vermoulu, témoin de son enfance. Mais 22 ans ne passent pas plus légèrement sur les choses que sur les hommes, à moins que ces choses ne soient des obélisques ou des cathédrales. Malisoff se leva donc, s'assit sur le bord de son lit, et promena autour de lui un regard interrogateur. Par son ordre, on lui avait fait son lit dans l'ancienne chambre d'enfant, devenue ensuite sa chambre de jeune homme. Le papier jaune serein datait de sa naissance. Le vieux dessin proclamait hautement la date de 1825, époque où la laideur triomphait sur toute la ligne des papiers peints. La table de noyer portait les nombreuses entailles par lesquelles l'écolier distrait gravait sa leçon dans le bois, au lieu de la graver dans son esprit rêveur. Les chaises étaient hideuses, ces chaises de la Restauration qui imitaient l'Empire n'ont d'épithète convenable dans aucune langue. Tout sentait le moisi, le renfermé, le lieu non habité pendant une longue suite d'années. Malisoff huma avec un visible plaisir cet air particulier des vieilles demeures, puis il fit un rudiment de toilette et ouvrit la fenêtre toute grande. Une grosse branche de tilleul profita de la permission pour entrer dans la chambre avec ses houppes de fleurs encore en boutons. Dehors aussi, tout était changé. Autrefois, les tilleuls soigneusement taillés ne se permettaient pas de telles incartades. Le gazon était maintenant plein de fleurs sauvages que le vieux jardinier n'aurait pas tolérées. « Ce n'est pas du gazon, aurait-il dit. C'est du foin. » Mais le vieux jardinier dormait depuis 10 ans sous une autre brassée de foin qu'on ne coupait jamais. Les buissons étaient devenus énormes. Un rosier blanc, qui avait de tout temps joui du privilège d'attirer les cantharides, mesurait 8 pieds de circonférence et trônait à l'extrémité des communs, semblable à une corbeille de noces parsemée d'émeraudes vivantes. Les peupliers avaient grandi. La rivière qui faisait un coude au bout n'apparaissait plus que par intervalles au travers d'une muraille de lilas. Tout était changé, et pourtant Malisoff, en s'accoudant sur la fenêtre, éprouva une étrange impression familière, une sorte d'arrière-goût du passé. Il s'abandonna quelque temps au plaisir mélancolique de songer à ce passé, puis sa mélancolie devenant trop douloureuse, il s'arracha à sa contemplation, termina sa toilette et se rendit dans la salle à manger. Là aussi, il retrouva les impressions de son enfance plutôt que celles de sa jeunesse. La vieille horloge dont le tic-tac retentissant couvrait parfois la faible voix de sa mère quand elle le réprimandait doucement pour quelque escapade, le vieux fauteuil de cuir où elle avait sommeillé tant de fois après le repas, tous ces chers objets lui rappelaient ses premières années, mais non celles qui avaient suivi. « Où donc est ma jeunesse ?» se demanda tristement Anton Petrovitch. « L'ai-je laissée tout entière dans les capitales, et ne dois-je rien en retrouver dans mon vieux logis ?» Il parcourut ainsi les pièces de la maison paternelle. Puis, arrivé à l'extrémité, il s'arrêta devant une porte fermée à clé. La clé était dans sa main, il la regarda à 2 reprises, voulut la mettre dans la serrure, mais son bras retomba, et il fit un geste de renoncement. « Plus tard, se dit-il, quand j'aurai l'esprit plus calme. » Et il s'en fut inspecter son domaine. 2. La journée passa vite. Tant de greniers, de granges, d'étables et d'écuries ne pouvaient manquer de charmer les heures oisives d'un propriétaire aussi peu blasé. Le soir était venu lorsqu'il se trouva seul. Après le dîner, il s'assit sur le perron afin de respirer la fraîcheur. Le ciel pâle, rayé de bandes orangées, avait la douce sérénité, la calme grandeur qu'on ne sent bien qu'à la campagne. Le ciel des villes, si parcimonieusement mesuré à nos regards, ne peut donner une telle impression de solitude et d'immensité. Anton Petrovitch rêva quelque temps, fumant un cigare et suivant de l'œil les nuages qui se dissipaient dans l'azur. Tout à coup, une pensée lui vint. Il rentra et se dirigea vers la porte qu'il n'avait pas voulu ouvrir le matin. La clé tourna dans la serrure, il poussa la porte et s'arrêta sur le seuil. La vaste pièce, tapissée de gris clair, n'offrait rien de particulier. C'était une sorte de salon ou de boudoir, une table de marbre blanc au milieu, des fauteuils et un divan le long de la muraille, entre deux fenêtres un petit piano carré, une chaise longue. C'était tout. Malissoff alla droit à la chaise longue, et sans s'occuper de la poussière qui recouvrait le parquet, il s'agenouilla, la tête inclinée sur le meuble fané. Au bout de quelques instants, il se releva, baisa pieusement le dossier, et deux larmes restèrent sur la perse poussiéreuse. C'était là que sa mère était morte. Là, sa mère avait vécu les longues années de son veuvage austère. Il croyait la voir encore, pâle, alanguie, mais toujours charmante. La beauté de l'âme n'a ni trait ni âge. Elle est parce qu'elle est, et nul ne saurait dire en quoi elle consiste. Il avait aimé sa mère de l'amour le plus tendre, le plus confiant, le plus intime. Il lui disait tout, lui communiquait ses moindres pensées. Un jour, elle s'était endormie pendant qu'il lui parlait. Endormie du sommeil éternel. Après les funérailles, Malissoff ferma le petit salon qui contenait l'abrégé de sa vie et quitta la maison paternelle. Il devait être 20 ans sans y revenir. Quand il eut bien savouré la triste douceur de tant de souvenirs, il se leva pour retourner chez lui. Sur le seuil de la porte, il s'arrêta, indécis. Allait-il refermer ce sanctuaire pour n'y entrer qu'aux heures de tristesse? Il réfléchit un moment, puis ouvrit la porte à deux battants. « Que la lumière et la vie pénètrent partout ici, se dit-il. J'ai trop fermé mon âme et ma maison. S'il en est temps encore, laissons le soleil entrer dans les moindres recoins. » 3. Malissoff ne détestait pas la société. On le disait misanthrope, mais c'était une calomnie. Par malheur, il préférait la société des gens d'esprit, et c'est là ce qui lui avait valu une assez jolie collection d'ennemis. Dès son arrivée à la campagne, il fit quelques visites. Le voisinage n'avait pas beaucoup changé. Aucune saumure ne conserve aussi bien que la province. On y retrouve les mêmes visages au bout de 10 ans, un peu plus laids, un peu plus vieux. Mais les meubles étant restés à la même place, on reprend bientôt ses anciennes habitudes. Et avec la moindre bonne volonté, on peut s'imaginer que le temps n'a pas marché. Cependant, les enfants avaient grandi. Les garçons, devenus des hommes, s'étaient pour la plupart envolés aux 4 vents du ciel. Les filles s'étaient mariées, mais pas toutes. Il en était resté quelques-unes, pas des plus belles, bien entendu, qui émaillaient le voisinage à peu près comme les vieilles tiges d'anis de l'année dernière émaillent le potager quand repousse le gazon. Malissoff trouvait un certain charme à ce monde campagnard. D'abord, cela changeait ses idées et ses habitudes, et puis il admirait une certaine simplicité patriarcale dans cette manière de vivre. On n'y était certes pas meilleur que dans le grand monde, mais on y était mauvais avec une désinvolture charmante. L'égoïsme s'y montrait si naïvement qu'on se bornait à le constater sans avoir le courage de l'incriminer. Une vieille propriétaire des environs avait le privilège d'attirer fréquemment Malissoff. Celle-là avait conservé toutes les vieilles coutumes. Elle et son mari auraient cru déroger s'ils avaient franchi à pied les 10 toises qui séparaient leur maison de l'église. De mémoire d'homme, les Pajarov n'avaient été à la messe autrement qu'en voiture. La bonne dame mariait ses serviteurs, tenait leurs enfants sur les fronts de baptême, élevait chez elle une nuée innombrable de brodeuses, voyait grandir dans ses antichambres la collection la plus variée de petits domestiques de toute taille, destinés à toutes les menues fonctions, jusqu'au jour où leurs habits devenus trop étroits et leurs culottes devenues trop courtes annonçaient à la maîtresse qu'il était temps de faire des promotions. Elle se faisait alors amener toute une bande de jeunes vauriens et distribuer à tort et à travers les emplois vacants. « Toi, tu seras cocher. Toi, buffetier. Toi, tu tourneras la manivelle de l'orgue de Barbarie. Toi, cuisinier. » Le tout sans se préoccuper des aptitudes. Heureusement, comme elle avait la mémoire assez courte, les vauriens ne se gênaient pas pour permuter sans autorisation. Quelquefois, il arrivait bien que Madame Pajarov se sentait prise de doute. « Je croyais t'avoir fait cuisinier, » disait-elle à un gros gars robuste. « Excusez, madame, c'était Ilia. Moi, je suis Yashka, et vous m'avez fait palefrenier. Avec la permission de votre honneur, je m'occupe des chevaux de votre équipage. » « C'est bon, c'est bon. J'ai si mauvaise mémoire, » grommelait la bonne dame, et la question était vidée. Cette maison toujours grouillante, où 50 serviteurs des deux sexes avaient fort à faire pour servir deux personnes, plaisait à Malissov. Les incidents s'y multipliaient sans cesse, de la façon la plus imprévue, et les visiteurs y affluaient de tout le canton. On y trouvait toujours table ouverte, 10 chambres d'amis ouvraient leurs portes aux visiteurs inattendus, et bien rarement elles étaient inoccupées. Vers la fin de juin, Madame Pajarov se mit en tête de faire des mariages. Il y avait longtemps qu'elle n'en avait fait, disait-elle, ne fallait-il pas s'assurer qu'elle avait toujours la main heureuse. Ce fut une grosse affaire. Un de ces forestiers s'était bêtement épris d'une paysanne, née sur les terres d'une voisine, et la voisine ne voulait pas perdre le profit que lui apportaient les aptitudes spéciales de sa vassale. Ne pouvant arriver à satisfaire tout le monde, Madame Pajarov se décida un jour à envoyer chercher Malissov par estafette. Celui-ci arriva en toute hâte. La bonne dame l'attendait sur le perron. Dans son impatience, elle avait entendu le bruit des roues à deux verstes de distance. « Que désirez-vous, Anna Karpovna ? » dit le nouveau venu, avant même d'avoir achevé de gravir le perron. « Vous avez été dans la diplomatie, Anton Petrovitch. Venez à mon secours. »« Avec plaisir, cela me dérouillera, » répondit Malissov. « Qui a-t-il ? » « Ma voisine ne veut pas me céder sa paysanne pour mon forestier, » dit la vieille dame en se laissant tomber dans un fauteuil. « Faut-il qu'elle soit bête ?»« Mais non, elle n'est pas bête, ma bonne, » interrompit le général Pajarov, émergeant d'un grand fauteuil à oreillettes où il passait le plus clair de son temps. « Bonjour, Malissov. Dites donc à ma femme que sa voisine n'est pas bête. La preuve, c'est qu'elle veut que le forestier aille vivre sur son bien. Elle ne veut pas nous faire cadeau de la paysanne. » Il faut que ce soit nous qui lui fassions cadeau du forestier. Ce n'est pas bête, en effet, dit Malissov en riant. Mais je ne vois qu'un moyen de trancher la question. Lequel ? Achetez-lui la belle fiancée. Là, s'écria la vieille dame en se tournant vers son mari, quand je te disais que les diplomates ont toujours des solutions prêtes. C'est juste, Anton Petrovitch. Il n'y a rien de plus juste. Mais si elle ne veut pas la vendre. En s'y prenant bien. « Oui, oui, mais il ne faut pas que cela me coûte trop cher non plus, » ajouta Anna Karpovna d'un air sérieux qui fit sourire Malissov. « Auriez-vous le courage, chère voisine, » reprit-il, « de refuser à ces amants infortunés le peu d'or qui doit les rendre heureux ?»« Vous parlez comme un roman de chevalerie, » dit la vieille dame avec un clignement d'yeux très éloquent, « mais vous perdez votre temps. Tâchez de m'en tirer à bon compte. » « Je ferai de mon mieux. » Où demeure la propriétaire de la Dulcinée ? Pas bien loin, à une verste et demie d'ici. Voyez-vous sa maison, avec un toit vert pomme, derrière le petit bois ? Je la vois, fatal voisinage, s'écria Malissov. Je suis sûr que ce bois est le complice, le galéoto, qui les a perdus. Justement, mon cher. Eh bien, puisque vous daignez consacrer vos talents au service de l'amour malheureux, « Remontez en calèche et allez tout de suite chez la méchante fée qui s'oppose à la fin du conte. »« Et si elle me touche de sa baguette ?» dit Malissov en s'arrêtant sur le seuil, prêt à partir. La vieille dame haussa les épaules avec dédain. Le général, du fond de son fauteuil, mugit d'une voix profonde, « Ne vous laissez pas épouser !»« Elle est donc veuve ?» dit Malissov, consterné. « Elle est demoiselle. »« Quel âge ?»« 37 ans et demi. » « Je suis blindé, » répondit gaiement le messager. Une question encore, si elle n'est pas trop indiscrète. Voyons. Avec tout le respect que je dois et que je porte à votre jugement incomparable, je me demande, Anna Karpovna, pourquoi ? Eh bien, pourquoi vous n'y allez pas vous-même ? À cette question, le général pouffa de rire. Sa fidèle moitié, prête à en faire autant, se retint pour lancer cette phrase « Nous nous sommes dit des choses désagréables. » Pajarov riait plus que jamais. Anna Karpovna ne se contenait plus. Malissov pensa que la discussion avait dû être drôle. S'inclinant avec gravité, il disparut. 4. Un quart d'heure après, il s'arrêtait devant le perron antique d'une maison de bois à l'ancienne mode. Un petit domestique s'avança sur le perron. Malissov se fit annoncer et entra dans un salon aussi peu moderne que l'architecture de ce logis. Mademoiselle Pélagie Siméonov était une grande blonde, couverte de taches de rousseur. Sa femme de chambre l'avait consolée de ce désagrément par l'assurance réitérée que les plus beaux teints seuls y sont exposés. C'est pour ainsi dire un brevet de finesse de peau. Avec le temps, Pélagie avait fini par le croire et même par le répéter, à l'extrême joie des mauvaises langues du district. Sur le canapé bloqué, d'après la bonne vieille coutume, par une lourde table inamovible, siégeait une dame vêtue de noir, très simple dans sa mise et dans ses manières. À demi cachée derrière celle-ci, une jeune fille se dérobait modestement. Son visage à demi tourné vers la porte se couvrit de rougeur à l'entrée de ce beau monsieur, puis elle baissa les yeux et ne les leva plus jusqu'au moment du départ. Malissov, frappé de la grâce de ce jeune visage, faillit oublier de décliner ses noms et qualités. Mais Pélagie, qui ne manquait pas d'habitude du monde, les attendait d'un air si interrogateur que le diplomate rentra instantanément dans l'esprit de son rôle. « Anton Petrovitch Malissov, dit-il, votre voisin, mademoiselle, et votre serviteur. « Enchanté, monsieur, enchanté de vous voir dans nos parages, » répondit aussitôt Pélagie. « Monsieur Malissov ? » ?»« Ma voisine, Madame Berlaguin, avec sa fille Eugénie. » La présentation ainsi faite, la conversation s'engagea. Madame Berlaguin était aussi simple que sa toilette. Elle parlait juste assez pour ne pas affecter la taciturnité. Assez peu pour laisser son hôtesse dérouler l'interminable chapelet de ses aventures domestiques. Mademoiselle Eugénie ne disait rien du tout. Au bout de 10 minutes, Madame Berlaguin se leva. « Comment, comment, vous avez l'air de vouloir vous en aller ? » s'écria Pélagie. « Ne dînez-vous pas ici ? » ?»« Je regrette de vous dire non. Nous sommes attendus chez ma vieille amie, Madame Pajarov. Venez-vous avec nous. » « Nous sommes en froid, » répondit Mademoiselle Pélagie d'un air pincé qui contrastait d'une manière amusante avec ses bonnes grosses joues faites pour la belle humeur. « Oh ! » fit Madame Berlaguin, se rappelant peut-être que Mademoiselle Siméonov était souvent en froid avec n'importe qui. « C'est dommage. » Les dames échangèrent quelques politesses, puis Mademoiselle Pélagie reconduisit ses visiteuses jusque sur le perron. Pendant qu'elle montait en voiture, Malissov eut le temps d'étudier le salon. Sur le piano s'étalaient quelques romances sentimentales et l'inexorable prière d'une vierge que nul mortel ne peut éviter, fût-il plus beau qu'Apollon et plus courageux qu'Achille. Les harmonies de Lamartine, ouvertes à la page la plus éplorée, indiquaient aussi une disposition élégiaque. Malissov n'en vit pas plus long, car Pélagie rentrait. « Vous parliez tout à l'heure de Madame Pajarov, » lui dit-il. L'expression souriante de Pélagie disparut de son visage hâlé et fit place à celle de la dignité offensée. « Madame Pajarov a été peu aimable envers moi, » fit-elle de cet air pincé qui lui seyait si drôlement. « Je viens ici, » reprit le diplomate, « comme la colombe de l'Arche, porteur de propositions de paix. » Une aimable rougeur se répandit sur la figure jaunie de la demoiselle. « Je n'en aurai que plus de plaisir à vous écouter, monsieur, » dit-elle avec la plus grande urbanité. « Refuserez-vous de faire le bonheur d'un couple bien épris ? » fit Malissov, prenant, comme on dit, le taureau par les cornes. « Ce n'est pas moi qui refuse, » s'écria Pélagie. « C'est Anna Karpovna, qui ne veut pas entendre raison. À quel propos irais-je lui faire cadeau de Dounia ? C'est une très bonne vachère, et de plus elle brode les essuie-mains en perfection. Je ne vois pas pourquoi j'offrirais un pareil présent à Madame Pajarov, qui n'a jamais cherché à me faire plaisir, qui m'a dit l'autre jour des choses si désagréables que... « C'est ce que je suis venu vous prier d'oublier, » dit Malissoff avec douceur. « Eh bien, » reprit Pelagie, profitant de cet avantage, « qu'elle me donne son forestier ?»« Mais son forestier vaut de l'argent, » dit le diplomate. « Est-ce que par hasard ma vachère ne vaut rien ?» riposta l'irascible demoiselle. « En vérité, monsieur, je m'étonne que vous soyez venu me tenir ce langage. » Ici, Malissoff s'aperçut que tous les torts en cette affaire avaient pu ne pas venir de Madame Pajarov, et dans son âme, il lui fit amende honorable pour le jugement téméraire qu'il avait porté sur elle. « Je crois, mademoiselle, dit-il, que je me suis mal exprimé. Madame Pajarov n'a nullement l'intention de vous demander quelque chose de contraire à vos intérêts. Elle veut vous proposer un échange. « Je ne veux pas de ces paysannes, » répondit vivement Pelagie. « Elles sont trop grandes dames pour nous. Elles ont des habitudes de dépenses qui ne me conviennent pas. » Pelagie était avare, tout au rebours de sa voisine, et condamnait sévèrement ce qu'elle appelait des prodigalités. « N'y aurait-il pas moyen de trancher le différend ?» fit insidieusement Malissoff, revenant aux saines coutumes de la diplomatie. Pelagie lui lança un coup d'œil interrogateur qui devint tendre, tout à coup, baissa les yeux, et prit son éventail sur la table. « Je ne sais pas, monsieur, dit-elle, comment je dois comprendre vos paroles. » Une idée saugrenue traversa le cerveau d'Anton Petrovitch. On n'est pas parfait. Il prit un air aimable, se pencha sur le bras gauche de son fauteuil, côté du cœur, et murmura à demi-voix « Votre belle âme serait-elle donc insensible à la pitié ?» Pelagie se mit à s'éventer doucement. « Comment l'entendez-vous » dit-elle avec coquetterie. « Ces jeunes gens s'aiment, » continua Malissoff. « Savez-vous ce que c'est que l'amour, mademoiselle ?» Pelagie rougit, rebaissa les yeux et garda le silence. Le diplomate continua, glissant peu à peu dans un lyrisme sans bornes. « Savez-vous que l'amour pénètre dans les asiles les plus humbles, que les bergers n'en sont pas plus exempts que les rois, qu'il peut faire des héros comme il peut faire des criminels ?» Pelagie, dont les traits, au mot de « héros », s'étaient animés d'une noble fierté, frissonna légèrement au mot de « criminel », et sa main, couverte aussi de taches de rousseur, continua de manœuvrer son éventail avec agilité. « Songez, mademoiselle, reprit Malissoff, toujours penché à gauche et faisant légèrement trembler sa voix. « Songez que ce pauvre forestier aime !» Ici, Anton Petrovitch s'aperçut que le mot « vachère » était absolument antipoétique. Il donna le torticolis à son esprit et trouva le mot « pastour », aussi distingué que l'autre l'était peu. « Il aime cette pastour » continua-t-il. Et que les ravages faits par la passion dans l'âme de ces hommes, des, il n'osa dire des bois, de peur d'attirer sur l'orang-outan les pensées vagabondes de mademoiselle Pelagie. « Des champs, dit-il après une courte hésitation, sont aussi dangereux que ceux qu'elle produit dans le cœur des habitants des villes. « Croyez-vous ? Murmura la demoiselle. Cette question donna à Malissoff le temps de pousser un ouf intérieur dont sa longue période lui faisait éprouver le besoin. « Si je le crois, reprit-il avec entraînement, mais vous, mademoiselle, vous que votre existence limpide, » Pelagie poussa un soupir. « Et vos vertus charmantes, » Pelagie baissa les yeux et sourit, « mettent à l'abri des orages de la passion. N'avez-vous pas vu dans les gazettes mille exemples de ces funestes entraînements ?»« Vous croyez à l'amour, alors ?» fit bravement Pelagie, braquant sur l'orateur le regard azuré de deux yeux légèrement éraillés. « Comme à moi-même !» s'écria Malissoff avec l'héroïsme du désespoir. « Voilà deux époux, » ajouta-t-il in petto, « qui me devront plus qu'ils ne pourront jamais payer !» Pelagie continuait à s'éventer. Elle poussa un autre soupir. « Eh bien !» reprit notre héros, « serez-vous inexorable ?» « Vous invoquez les plus nobles sentiments de l'humanité, » répondit Pelagie. « Je suis obligé de baisser pavillon. Vous avez parlé de transactions, si je ne me trompe. Qu'est-ce que Madame Pajarov m'offre en échange de m'achat ? 20 roubles, répondit Malissoff avec un aplomb imperturbable. Pélagie s'éventa pendant quelques secondes. Que le diable t'emporte, pensa le diplomate, va-t-il falloir que je me lance encore une fois dans ce pathos ? 20 roubles, argent, fit Pélagie, dont la voix aigrelette le tira de ses perplexités. Assigna ! S'écria le négociateur. Vous plaisantez, Anton Petrovitch. On ne compte plus par assigna. Du moins, je n'ai jamais entendu compter de la sorte. Menteuse, pensa Malissoff, tu veux te rajeunir. Dans ton enfance, et même peut-être ta jeunesse, tu n'as pas connu d'autres calculs. Permettez, reprit-il tout haut. Je veux 50 roubles argent comptant et 3 vaches laitières, proféra la demoiselle d'un ton rêche. Je ne suis pas autorisé à traiter sur de telles bases, dit Anton Petrovitch en se levant. Je regrette, ajouta-t-il en posant la main sur son chapeau, d'avoir troublé votre quiétude par une visite inopportune. Il s'en va, pensa Pélagie, un si beau garçon. Il y a si peu de jeunes gens à marier dans le district. C'est donc, se dit l'irascible propriétaire pour la première et probablement la dernière fois de sa vie. Anton Petrovitch, fit-elle d'un accent câlin qui donnait à sa voix le ragoût particulier de conserves au vinaigre, soudain plongé dans la crème douce. Écoutez. Malissoff resta immobile, mais il se garda bien de poser son chapeau sur la table. C'eût été donner un avantage à sa belle ennemie. Disons 40 roubles argent, continua Pélagie d'une voix à attendrir les pierres. Je ne suis pas autorisé, répéta Malissoff. 35, reprit la demoiselle. Mais Madame Pajarov me donnera 2 vaches laitières. Impossible, mademoiselle, je suis désolé de vous avoir dérangé. 30 roubles et 2 vaches, soupira Pélagie en petite flûte. Et j'y perds. Monsieur, je vous jure que j'y perds, car Macha est une excellente vachère. Elle connaît son métier comme pas une. Madame Pajarov, reprit l'ambassadeur, ne ratifiera pas mes conventions, je le crains, mais je vous offre 30 roubles argent et 1 seule vache. C'est tout ce que je puis promettre. Soit, dit la vieille fille en souriant avec grâce, c'est donné. Mais il n'est rien, monsieur, qu'on ne fît pour conserver de si agréables relations. Malissoff, vainqueur, s'inclina en souriant aussi avec la même grâce, ou même davantage. Soyons amis, continua-t-elle, en lui tendant la main d'un geste plein de majesté théâtrale. Malissoff déposa un baiser diplomatique sur la main potelée de sa nouvelle amie, et les deux puissances rivales conclurent ainsi leur traité de paix. Pélagie se montrait si forte à son aise, si enchantée de son nouveau voisin, que celui-ci jugea prudent de battre bientôt en retraite. Il eut quelque peine à obtenir sa liberté. On voulait le garder à dîner. « Vous verrez mes jeunes sœurs, » lui disait Mademoiselle Siméonoff. « Elles sont très aimables. » Mais cette délicieuse perspective ne put arrêter Malissoff. Tout bouillant encore de l'ardeur du combat, il lui tardait de rendre compte de sa mission à Madame Pajarov. Déclinant l'invitation, il parvint à s'échapper, mais non sans avoir promis de revenir. « Dites à Madame Pajarov que j'irai prendre le thé chez elle demain. » fit Pélagie en reconduisant son hôte jusqu'au perron. « J'espère vous y retrouver, et nous prendrons jour pour la noce. » Malissoff, le long de la route, se prit à rire 2 ou 3 fois, moins du rôle qu'il avait joué que de sa mission en elle-même, et son humeur drôlatique ne l'avait pas encore quitté lorsqu'il entra dans la cour. Madame Pajarov, à sa fenêtre, faisait des signes avec son mouchoir depuis le bout de l'allée. Il déploya aussi Pavillon Blanc, cueillit une branche de bouleau, et porteur de ce pseudo-rameau d'olivier, il entra dans le salon. « 30 roubles et 1 vache, proféra-t-il d'un ton solennel. « Si j'ai outrepassé mes pouvoirs, auguste souveraine, je payerai la différence, et ce ne sera pas cher, car je me suis bien amusé. » Une main timide joua sur le piano les premières notes de la marche nuptiale du songe d'une nuit d'été, et tout le monde éclata de rire. Malissoff se retourna et reconnut non sans plaisir le joli visage réservé qu'il avait rencontré 1 heure auparavant chez Pélagie. Madame Berlaguine était en train de gronder sa fille de son idée malséante. Madame Pajarov s'interposa. « Allons, lui dit-elle, ce n'est pas sa faute à cette enfant si elle a de l'esprit jusqu'au bout des doigts. C'est plus fort qu'elle. Viens ici, ma mignonne. Quand ta mère te grondera, cache-toi derrière mon fauteuil et tire-moi par la manche. Je te protégerai. » « Je regrette, voisine, que vous n'ayez pas d'enfant, » repartit Madame Berlaguine. « Je ne pourrai vous rendre l'appareil. » Le général entrait pesamment. À la vue du rameau de paix que Malissov tenait encore à la main, il éclata de rire. « Vous avez réussi, » dit-il. « Mettons-nous à table. Pendant le dîner, vous nous raconterez cela. Ça a dû être drôle. »